7h, 9h, votre réveil matin, c'est Franck. Voilà, bon dia à la planète, à la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Et ça, ça fait du bien de retrouver le soleil comme tous les jours. Heureux d'être avec vous ce matin, c'est Francky dans la radio. 02 38 43 48, c'est le numéro du standard. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas. Et ce matin, je vais vous faire gagner des places pour la soirée Caméléon. C'est au 7 discothèque, c'est samedi soir. Peut-être vous, votre passe VIP. Hein, écoutez bien la radio, il y aura 2-3 petits jeux ce matin. Et vous allez peut-être repartir avec votre place pour cette belle soirée de Caméléon, le numéro 1 de reggaeton en France. Côté ciel aujourd'hui, bon, on est pas mal, 12 degrés le du jour, du soleil partout pour toute la planète, et ça fait du bien au réveil. 12 degrés, franchement on est pas mal, jusqu'à 26 voire 27 degrés aujourd'hui. Ça va être quasiment l'une des semaines, des journées les plus chaudes, hein, avec mardi, mercredi. Profitez parce que le mauvais temps devrait revenir un petit peu à partir de vendredi, mais bon, pour l'instant on est là, on est avec vous, on est en direct, et c'est Francky dans la radio. Heureux d'être là, 7h-9h, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et on démarre avec Jérusalem, la grâce au Portugal, la Berta Cunha, Bandi à la planète. Ama a ti também. 5 sur l'air ancienne, la version de Portugal d'Atacunha avec Jérusalem. Belle journée, bon réveil. La météo. Et comme je vous le disais en début d'émission, le ciel est ensoleillé sur Orléans, Pithiviers, la chapelle Saint-Mémin, Olivet, du soleil et encore du soleil jusqu'à 12 degrés ce matin. C'est plutôt pas mal pour un bon réveil. Donc le t-shirt est préconisé aujourd'hui avec des températures plutôt pas mal. On va dépasser quand même les 26 voire 27 degrés sur Orléans. Et ça fait du bien, un petit peu au moral comme ça. Et justement pour vous faire du bien aussi ce matin, la musique est de retour. On est là avec la réunion. Le sol, le son merengue des Gibraltins et à ma mais belle journée. Votre réveil matin, c'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Se fue, no sé por qué se fue. El amor entre tú y yo, tantas cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Escucha. Samedi 10 juin, au 7 discothèques, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèques à Chingy. Et tu vas aller au concert, eh bien tu m'appelles 02 38 43 48 00. C'est maintenant qu'il faut faire le numéro du standard. 02 38 43 48 00. Et vous allez au concert, au showcase de Caméléon ce samedi soir avec la personne de votre choix. Place VIP, c'est plutôt pas mal. 02 38 43 48 00. Larissa qui arrive, un peu de tendresse dans ce monde de brut. Un baiser salé sur un lac-en-ciel. 7h12 minutes en direct. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Yé, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. Je sais bien t'es ma lady. Je t'ai donné tout ce que j'avais. S'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien t'es ma lady. Pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Violoncelle seule, déboussole et sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cette orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Pain, pain, pain. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je sais bien t'es ma lady. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je sais bien t'es ma lady. On préserverait ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Je sais bien, t'es ma lady, Larissa, baiser salé. Belle journée, bandit à la planète, si vous venez d'arriver à Orléans. On est en live ce matin, bon petit déj. Coucou à Carlos qui est connecté, salut Francky, belle journée à toi. Belle journée mon ami, Caméléon. C'est samedi soir, si vous allez au concert, ben vous m'appelez tout de suite. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. 02 38 43 48 00. Et je vous envoie des passes pour que ce soir est live. Samedi soir, à Chingy, Kalema, à Nossa Danza. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. De chemise noire aujourd'hui, il va faire chaud, il va faire beau, on met pas de noir quand il fait beau. Bah non, je vous adore le matin, je vous réveille. Et Caméléon, c'est samedi soir, je vous offre des places pour aller au concert. Si vous voulez des places, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est samedi soir à Chingy. Ça va être une pure soirée latina et je peux vous dire, ça va être du très lourd. Voici le nouveau Bob Sinclair. I was lost. Votre réveil matin, c'est Francky. Comigo, aqui não é o ideal. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Salut muchacho, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho a rato. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mire. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Spécial Caméléon, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Eh bien, je vous offre des passes pour la soirée Caméléon. C'est ce samedi à Changi. N'hésitez pas, 02 38 43 48 00. Caméléon, il arrive. Non, non, non, c'est sur l'avancelle. Bonne journée et bon réveil. te regala flores, collares y joyas. Tampoco aquel que te consuela cada vez que lloras. Así que ya sabes. Votre réveil matin, c'est Francky. J'ai joué, je l'assume. Oui, ça t'a mis de mauvaise humeur. Je te donnais tant d'amour, mais on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Ce n'est que des souvenirs. Ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se vide. On adore sur Radio Arc-en-Ciel, Kalema. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. On est en direct ce matin, 7h39 minutes.

j'arrête pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Tout sens en contre-sens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix. Soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèque à Chingy. Eh oui, c'est samedi soir. Si vous voulez gagner vos places, tout de suite, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Je vous offre des places pour Caméléon, samedi soir, 02 38 43 48 00. Caméléon, qui a le sexo. Arc-en-ciel.

96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. C'est en direct ce matin sur Orléans 96.2 FM. Merci d'être aussi nombreux tous les matins à nous rejoindre sous le soleil aujourd'hui parce qu'il va faire très beau. Il va faire beau aussi du côté de Bordeaux, direction le collectif métissé. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est tranquille. Et il fait toujours beau avec le collectif métissé. Soma Riba qui est avec nous au téléphone. Bonjour Soma. Bonjour, bonjour. Ça va bien la forme ? Super, super forme. Il fait beau, il fait chaud. Le nouvel album est sorti. Le clip de la danse de l'été sorti, tout va bien. Voilà, bah il fait beau du côté de chez toi aussi. Il fait très beau. Ouais. Très beau. Bah tu vois, Orléans, nous aussi, il fait 28-29 degrés aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Hein. Oui, c'est super. Alors, Viva la Fiesta, le nouvel album est sorti, le nouveau single du même nom, la danse de l'été, beaucoup de choses qui se préparent pour cet été, ça va. Oui, une grosse tournée summer qu'on a commencé déjà ce week-end avec un festival portugais à Mâcon. Ça s'appelait Amizade, et là on a vu la puissance du Viva la Fiesta. On a pu tester quelques titres, bon, quelques bonnes reprises, style Balada, ouais. Que les gens adorent. Donc tous les clignotants sont au vert, et ça c'est super parce que voilà, je vais regarder un peu les stats du clip sur YouTube, ça démarre fort. Mmh. Et puis les gens ont envie de s'amuser, de danser. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une danse de l'été. Ouais, c'est vrai. Je pense que, voilà. On est vraiment dans les starting blocks pour l'été et que ça va le faire. Et c'est vrai, tu le dis toi-même, il manque, tous les ans on avait droit à une danse de l'été, un titre de l'été. C'est un peu en perdition tout ça. Ça d'après toi, ça serait dû à quoi? Bah, c'est dû au fait que les changements de styles musicaux ont fait que, à un moment, la musique, pour faire la fête était un peu mise de côté. On s'est beaucoup ambiancé sur les titres urbains. On se rend compte que l'urbain, ça a une place, sans doute, mais qu'il n'y a pas ce côté hyper festif. Donc, nous, on a toujours gardé notre ligne de conduite. On a fait du latino. Et là, cette année, je sentais qu'il fallait vraiment, vu la tournée qu'on avait fait l'été dernier, chanter qu'il y avait une attente des gens. Et je pense que, voilà, la danse de l'été, c'est pas, ça va sans doute faire rire les gens, mais je pense que c'est important. Il y a une chose que pas beaucoup de gens savent, mais que moi je sais, il y a 20 millions, écoute bien, 20 millions de personnes qui partent en camping. C'est énorme. Tous les ans, 20 millions de personnes, c'est-à-dire un tiers de la population. C'est-à-dire que si une radio avait 20 millions d'audience, et je pense que cette chanson va faire danser dans les campings, et j'en suis très fier. Eh ben, fier de vous, en tous les cas, la danse de l'été qui arrive, Viva la Fiesta, l'album qui est sorti au mois de juin, avec plusieurs titres à l'intérieur, des reprises notamment. Oui, on a repris des bons vieux standards, on a repris Balada, Ici te pego, La Lambada, en version Zumba, on a repris Litourné, Zumba et Zumba. On a fait du collectif métissé Soleil pour que les gens avec cet album puissent faire la fête, voilà, et oublier tous leurs problèmes. On le redit dans Viva la Fiesta, c'est un petit clin d'œil à notre titre. Laisse tomber. Problème, ouais. Mais c'est la vérité. On a envie que avec cet album, avec cette chanson Viva la Fiesta, ben les gens ils oublient leurs problèmes. Ben voilà. C'est un peu super important d'oublier ces problèmes. Je vous rappelle que l'album Viva la Fiesta est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, aussi dans les grands centres commerciaux, Soma. Partout. Ouais. Depuis vendredi, il est là, il est arrivé. Donc, on est très fiers de notre bébé. Et puis, la locomotive Viva la Fiesta, à mon avis, va être là et elle va traquer la chose, parce que c'est vrai qu'on a un gros démarrage, un gros buzz sur TikTok. On a pas mal de choses qui font que on est très très optimiste. Et ben voilà, en tout cas on va faire la fête cet été avec le nouvel album du collectif Métissé. Il s'appelle Viva la Fiesta, le nouveau single du même nom, Viva la Fiesta, on va faire la fête. En plus il y a la danse de l'été, on peut apprendre la chorégraphie aussi sur YouTube, j'ai vu ça, on peut se mettre... Tout à fait, il y a un tuto sur YouTube et puis pas mal de tutos sur tous nos réseaux sociaux que l'on reposte régulièrement avec des nouvelles personnes qui font les chorégraphies et ça permet d'apprendre la chorégraphie qui est très simple au demeurant, puisque j'y arrive, les autres peuvent y arriver. Donc si tu y arrives, tout le monde y arrive, c'est ça? Oui, voilà. Merci Soma Riba, depuis le soleil de Bordeaux, de nous donner cette bonne humeur ce matin, à 8h presque 10 minutes. Le nouvel album Viva la Fiesta est dans les bacs, le single s'appelle aussi Viva la Fiesta, et c'est la danse de l'été. Merci Claude, on l'écoute justement le nouveau single? Avec plaisir, merci. Et ben voilà. On fait la fête, vous qui allez au boulot ce matin. Merci Claude. Voici Viva la Fiesta sur le collectif Métissé. Merci Claude. Salut ma poule, merci beaucoup. Un bisou. Ciao. disait Viva la fiesta. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky, je vous réveille jusqu'à 9h et puis n'oubliez pas la soirée, c'est samedi soir au Salle Discothèque à Orléans. Je vous envoie des passes tout de suite, appelez-moi juste avant, écoutez. Samedi 10 juin, au Salle Discothèque, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèques à Chingy. Ah oui, je vous en déplace pour aller voir le roi du reggaeton en France, il y a Caméléon. Vous m'appelez tout de suite 0238 43 48 00 comme José qui vient de m'appeler. 02 38 43 48 00 et vous allez voir Caméléon samedi soir. Ça va être chaud, Orléans, à Chingy exactement. Caméléon en concert live. Et Pascal qui vient de m'appeler là. 02 38, vous aussi. Si vous gagnez vos passes VIP toute la semaine pour voir Caméléon. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, la familia. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et puis aussi une grande fête, la grande fête de la radio, les Saints Populaires, c'est le 1er et 2 juillet, ça arrive bientôt. Radio Arc-en-Ciel, 30e édition, ça va être énorme. Un spectacle à ne pas louper sur 2 jours, vous le connaissez ça par cœur, c'est à Fleury-les-Aubrais, au parc de Lignerolles, le 1er et le 2 juillet. Les Santos Populaires, et je peux vous le dire, ça va déménager, il y a plein de choses cette année. Ça va être du très très lourd, on vous attend nombreux et nombreuses. Le détail du programme sur radioarc-en-ciel.fr, allez voir, vous allez voir, ça va être franchement, ça va déchirer. Et ouais, j'y serai aussi, et je peux vous dire, ça va envoyer du très très lourd. Le collectif, je vous le dis, le nouvel album s'appelle Viva la fiesta, il est dans les bacs, il est disponible. Voici les débuts du collectif avec Francky, ouais, avec Laisse tomber tes problèmes, le collectif métissé, c'est la famille. c'était les débuts du collectif avec Frankie, avec DJ Fou, avec Willy William, avec Saint-Ange. Voilà, que de souvenirs. Le Portugal, Forza, pour bien vous réveiller. À 8h17 minutes, Marquito, l'habitude de la radio, on los éteint. Nada sem trabalho a demora, nunca é sacada, chegou a hora, já estou cansado, te vou agradecer, a bebida que me faz tanto esquecer, a loucura do meu mundo que anda a viver, gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, nunca se acaba, chegou a hora, já estou cansado, te vou agradecer, a bebida que me faz tanto esquecer, a loucura do meu mundo que anda a viver, gosto do fim de semana. Marquito, l'habitude de la radio, on lose Zétano, belle journée, bon réveil sous le soleil de Radio Bruxelles. Aujourd'hui la météo est plutôt pas mal, hein, du soleil, encore du soleil, ça c'est la bonne nouvelle. La météo. Et oui, du soleil sur toute la région, Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, Fayolloge, Chingy, où la grosse soirée arrive samedi soir. Et bien les températures ce matin, 12 degrés au lever du jour, que du soleil, un ciel bleu ensoleillé jusqu'à 27-28 degrés. Ça c'est les températures qu'il vous faut ce matin pour aller au bureau, sur le chantier. On vous souhaite une très très bonne matinée et bon dia à la planète. Et Lucenzo avec Don Omar. Ah là là, on a dansé là-dessus, on a fait la fête. Préparez-vous à danser dans la voiture avant d'aller au bureau ce matin. Lucenzo, Don Omar, 20 ça, Kudo, bandia la planète. E sabes bem, bem que é só dançar. O ouro está no ar.

7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Si vous êtes en bicyclette, hein. Carlos Vives, Shakira, la bicicleta, belle journée, bon réveil. Sur la grosse salle, écoutez, c'est samedi soir. Samedi 10 juin, au 7 discothèques, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèques à Chingy. Vous voulez des places? Eh ben, vous m'appelez 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Et vous allez au concert de Caméléon samedi. Merci du son Latina. Hermanos Valores. Ireland. Sonhar contigo com emoção.

votre réveil matin, c'est Francky. Quitté la semaine dernière. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et Francky dans la radio, ne ratez pas la Santos Popular, c'est le 1er de juillet prochain, la 30e édition au parc de Lignerolles, la Fleurie, les Aubrais. Une pléiade d'artistes sur scène, on fera la fête pendant 2 jours avec vous. Tous les renseignements, tous les concerts sur le site de la radio, arc-en-ciel.fr, la 30e année. C'est les Saints Populaires, c'est le 1er et 2 juillet, il va faire en plus super beau. C'est au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Bien sûr, comme tous les ans, on compte sur vous. Belle reprise de Guillaume Grand par Kenji Girac. C'est toi et moi. Belle journée et bon réveil. Jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu on serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles ni liens, sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un pain de bouteille, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par contre on serait juste toi et moi. Baby, si, ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Et si on vit caché, et si on vit d'aller, et si le temps se compte, on frustre l'eau. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Tu veux, on y va, juste toi et moi là-bas, on serait pas mal quand même, hein, sous le soleil de Radio Française ce matin, pour vous emmener au bureau, au chantier peut-être, en direct à la radio 96 de FM. Merci d'être là le matin. Oui, Bandela, allez, Lumba, Lumba, belle journée et bon courage pour le taf. Votre réveil matin, c'est Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. son Lucenzo sur la console. Belle journée, bon réveil. Si vous voulez vous réveiller, ben, il est tard quand même, hein. Il est bientôt 9h. Voici Louis Bertignac. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers. Des heures et des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir à me demander, tu peux bien aller. Que ça, Louis Bertignac et les visiteurs, ah, quel souvenir dans les années fin 90. Je vous rappelle la fête des Santos Populaires, Radio Francel, la 30e édition. Ça sera le 1er et 2 juillet prochain au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Vous serez encore nombreux et nombreuses. Tous les renseignements, vous tapez radioarc-en-ciel.fr et vous aurez tous les artistes sur scène. Tout pour faire la fête avec vous le 1er et 2 juillet prochain. Ne ratez pas ce bel événement Radio Arc-en-Ciel, la famille. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros